السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في قراءة رسالة ذم قسوة القلب للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بذكر آيات من كتاب الله العظيم التي تبين لنا ذم قسوة القلب، ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث النبوية، وبعد ذلك شرع في ذكر أسباب قسوة القلب، وذكر منها خمسة: كثرة الكلام بغير ذكر الله، نقض العهد مع الله تعالى، كثرة الضحك، كثرة الأكل، وكثرة الذنوب. وفي الفصل الأخير قال: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. Dans le dernier chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: en ce qui concerne les choses qui dissipent la dureté du cœur, elles sont également multiples. C'est-à-dire, tout comme les causes de la dureté du cœur sont multiples, les causes qui permettent de dissiper cette dureté et de la faire fondre sont multiples. Mais avant de poursuivre notre cours, je complète le passage concernant le repentir. Concernant le repentir, nous sommes rappelés la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala: anna shurut at-tawbah thalatha. Naam, nous sommes rappelés la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala que les conditions du repentir étaient au nombre de trois. La première condition, arrêter le péché. La deuxième condition, avoir, ou plutôt le regret, le fait d'arrêter le péché, avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Ça, c'est si le péché entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu n'as pas opprimé un serviteur, tu n'as pas pris le haqq d'un serviteur, ou transgressé le droit d'un serviteur. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a ajouté deux choses. La première chose, la sincérité, al-ikhlas. Et la deuxième chose, que ce repentir ait lieu dans le moment où il est encore accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moment se divise en deux. Il y a le moment général, c'est lorsque le soleil va se lever de l'autre côté, la porte du repentir se refermera. Et il y a le moment particulier qui concerne chaque personne, na'am, et propre à chaque personne individuellement, c'est l'agonie. Donc ces conditions citées concernent les conditions du repentir lorsque il n'y a pas le droit du fils de Adam, il n'y a pas le droit de la créature, du serviteur, na'am, dans le péché commis par l'autre serviteur. Si le serviteur a opprimé une personne, ou bien si cette affaire est entre deux serviteurs, il y a une condition en plus. Il y a une condition en plus. C'est de restituer son droit. Donc, selon la situation, si c'est de l'argent, il doit lui rendre son argent. Na'am. Si c'est de l'argent, il doit lui rendre son argent. Si c'est une injustice, il doit la réparer. Si c'est une faute, il doit la corriger. S'il a menti sur lui, il doit rétablir la vérité. S'il a médi sur lui dans cette assise, il devra se corriger. Na'am. Ensuite, est-ce qu'il doit aller voir la personne pour l'informer dans ce genre de situation, si c'est de la médisance ou du mensonge? Il y a une chose qui va faire entrer des na'am, peut-être de l'inimitié dans le cœur de l'autre serviteur. Les savants disent ça dépend. Les savants disent ça dépend ce qui est connu de cette personne qui a été opprimée dans son haq, dans son droit, dans son honneur. Si on connaît de lui qu'il a une poitrine large et qu'il excuse facilement, et qu'il est bien au-dessus de ses bassesses, dans ce cas-là, il convient d'aller le voir et de lui demander pardon. Mais dans le cas où on redoute que ça envenime la situation et l'empire, dans ce cas-là, on n'ira pas le voir. Mais on réunira les gens devant qui ces mauvaises paroles ont été dites, et on rétablira, na'am, on fera la chose qu'il convient de faire. On fera la chose qu'il convient de faire. Si c'est un mensonge, la personne se repent, se corrige et dit la vérité. Si c'est une médisance, elle se corrige, elle se repent et retire sa parole, et ainsi de suite. Donc à chaque situation, il y a la parole adéquate. Non. Donc les choses qui enlèvent la dureté du cœur. Est-ce qu'on avait pris le premier point ou pas? Kathalatudik. On l'avait cité? Pas entièrement. فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. Le premier point, c'est le fait de beaucoup évoquer Allah, et que lorsqu'il y a la citation ou bien l'évocation d'Allah, que ce soit la langue avec le cœur ensemble. Pas du dhikr où il n'y a que la langue qui bouge et où, dans lequel le cœur est distrait. Non, il faut que les deux soient ensemble pour faire cette adoration. C'est de cette manière-là que la dureté du cœur s'estompera au maximum. قال المعلى بن زياد إن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أدنه من الذكر. Al-Mu'alla ibn Ziyad nous dit qu'un homme s'est plaint à Al-Hassan en lui disant « Oh Abu Sa'id, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. » C'est-à-dire qu'il est parti voir le savant et lui a cité sa maladie. Na'am, afin qu'il l'oriente vers ce qu'il y a de bien. Et c'est ce qu'il convient de faire, d'aller, de se diriger vers Allah Azza wa Jal, puis vers les causes, les gens de science, et leur demander conseil lorsque nous avons un problème. Et quel plus grand problème que d'être malade du cœur. Donc il lui a dit, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. Quelle fut la réponse de ce grand savant? Il lui a dit, Udnuhu min al-dhikr. Naam. Rapproche-le du rappel d'Allah. C'est-à-dire, fais beaucoup de dhikr. Car avec le dhikr, il y a la vie des cœurs comme on le citera inshallah ta'ala dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Wahb ibn al-Ward nazarna fi hadha al-hadith falam najid shay'an araqqa li hadhihi al-qulub wa la ashadda istijlaban lil-haqq min qira'ati al-Qur'an liman tadabbara. Wahb ibn al-Ward a dit, nous avons regardé dans cette affaire et nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas une chose qui apportait plus la douceur du cœur que cinq choses. Na'am. Ou plutôt avant. Na'am. L'athar d'avant. Wahb ibn al-Ward nous dit qu'il a regardé, ou bien nous avons regardé dans cette affaire, et nous n'avons pas trouvé une chose qui a mené plus la douceur au cœur et qui rendait plus apparente la vérité que la lecture du Coran pour celui qui le médite. C'est-à-dire que chez les anciens, la meilleure des causes qui apporte la douceur du cœur, c'est al-dhikr. Et le meilleur dhikr, c'est kalamullah, tilawatul Coran. Et pas de n'importe quelle manière. Il nous dit l'iman tadabbara, pour celui qui le médite, qui cherche à le comprendre. Pour celui qui le médite et cherche à le comprendre. Pas, et non pas la simple lecture. Na'am. Et nombreux sont les versets qui nous appellent à lire le Coran, à méditer le Coran. Na'am. Donc c'est le meilleur remède pour les poitrines. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne méditent ou bien ne méditent-ils donc pas le Coran ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Na'am. Et rappelez-vous l'histoire de Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore musulman. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière du Maghrib réciter surat At-Tur. Lorsqu'il est arrivé au passage où Allah Azza wa Jal nous dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien? Sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? « Qala radiallahu anhu kada qalbi an yatir » Jubayr ibn Mut'im était un arabe, il comprenait le Coran bien qu'il n'était pas musulman. En écoutant ce verset, il a dit « Mon cœur a failli s'envoler ». Et c'est la première fois que l'islam a pénétré mon cœur. Puis il est parti se convertir. À l'islam. Et rappelez-vous l'histoire des djinns. Comme Allah Azza wa Jal nous la raconte dans plusieurs endroits du Coran. Na'am, comme dans Suratu Al-Ahqaf. Lorsqu'ils ont entendu le Coran. Na'am, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Ils se sont comportés de la manière. Na'am. Qui fait que tu vas le plus yani, tirer profit du Coran. Qalu ansitu. Ils se sont recommandés mutuellement d'écouter, de se taire et d'écouter. Na'am. Afin de pouvoir méditer. Quel fut le résultat? Ils se sont convertis à l'islam et sont partis appeler leur peuple à l'islam. Na'am. Et quelles choses ont-ils cité comme preuve évidentes? Inna sami'na Qur'anan ajaba. On a entendu une lecture merveilleuse, un Qur'an étonnant. Donc ça, c'est l'effet du Qur'an. Pour sur qui? Sur celui qui le médite. Sur celui qui le médite, qui l'écoute. Hatta al-kafir, al-mushrik. Même si la personne n'est pas musulmane, il se peut qu'Allah Azza wa Jal ouvre son cœur et fasse pénétrer sa lumière dans son qalb de par l'éloquence, la beauté et la perfection de ce Coran, comme ce fut le cas pour beaucoup de compagnons. C'est pour ça que Kuffar Quraysh était très motivé à empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran et de faire entendre le Coran à son peuple, car il le comprenait. Na'am, car il le comprenait. Le Coran est la meilleure exhortation, la meilleure guérison pour les cœurs, la meilleure cause pour dissiper la dureté qu'il y a dans les poitrines. Ya ayyuha alladhina amanu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous qui avez cru, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Na'am. Une miséricorde pour les croyants. Puis Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous réjouir de ses faveurs et de sa miséricorde. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un. Dit par la grâce d'Allah ainsi que sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire comme richesse dunyawiyya. Et Omar ibn Khattab était un jour avec un servant. Et à l'époque d'Omar ibn Khattab, Allah Azza wa Jalla a donné beaucoup de richesses aux Quraysh. Cet homme a vu Ibil al-Sadaqa. Il a vu les chameaux destinés à l'aumône. Il y en avait beaucoup. Il s'est réjoui et a dit « Hadha fadlullah wa rahmatu. » Voici le bienfait d'Allah ainsi que sa miséricorde. Omar ibn Khattab lui a dit « Kadhabt, hal alladhi tasifu huwa al-Qur'an. » Omar ibn Khattab lui a dit « Tu te trompes, ce que tu décris là c'est le Qur'an. » Puis il lui a récité le verset. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire l'islam et le Coran et l'islam, de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Allah Azza wa Jal t'ordonne de te réjouir du Coran et de l'islam. Quant à la dunya, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'en détourner. De s'en détourner. Na'am. Wallahu musta'an. Et le zikr, ici l'auteur nous dit kathratu zikrillah. Le zikr s'englobe beaucoup de choses. Et le meilleur zikr, c'est la lecture du Coran. Na'am. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit inna hadhi al-qulub awwiya. Ces cœurs sont des récipients. Famla'uha bil-Qur'an. Remplissez-les avec le Coran. Na'am. Que la meilleure occupation que tu aies, la meilleure chose que tu mettes dans ton qalb, soit l'amour d'Allah Azza wa Jal de sa parole. Soit l'amour d'Allah et de sa parole. Celui qui aime Allah Azza wa Jal aimera sa parole. Et celui qui sait que le Coran est la parole d'Allah, comment est-ce qu'il pourrait s'enlacer en la lisant? Na'am. Et je vous rappelle le hadith du sahabi qui n'a pas voulu sortir de cette lecture, il n'a pas voulu sortir de sa salat, alors que son sang coulait. Na'am. Alors que son sang coulait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des gars. Et les sahabas se sont reposés, le prophète s'est reposé, radiallahu anhum ajma'in. Puis l'ennemi est venu. Il y avait deux gardes. Le premier a dit au deuxième, repose-toi et je te suffirai la première partie de la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait durant cette nuit? Qiyamul layl. Qu'est-ce qu'il a fait durant cette nuit? Qiyamul layl, il a appris. C'est alors que l'ennemi est venu. Il a reçu une flèche, il a continué sa salat. Il a reçu une deuxième flèche, il a continué sa salat jusqu'à ce qu'il y ait une hémorragie. À ce moment-là, il a réveillé son compagnon. De peur que ces gens-là n'attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est qu'à ce moment-là, sinon ils ne voulaient pas sortir de sa salat. Subhanallah. Na'am. Sahabi lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé avant? Il a dit, j'ai détesté, ou une parole semblable, j'ai détesté couper la lecture. Il récitait le Coran. Il récitait le Coran. Na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, na'am, la lecture du Coran, et il aimait l'écouter d'autrui. Alors que c'est sur lui qu'il a été révélé. Comme dans le hadith lorsqu'il dit à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, Iqra alayya al-Qur'an. Kawa, qala awa alayka, aqrahu alayka unzil. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, comment est-ce que je pourrais le lire sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yata'athar idha sami'a al-Qur'an. Et il était touché, il le méditait, il était touché lorsqu'il entendait le Coran. Na'am. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud s'est mis à lire à partir de, yani du début de Surat al-Nisa. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard lui dit, Hasbuk, cela suffit. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, je me suis tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors que ses larmes coulaient. C'est alors que ses larmes coulaient. Donc le Coran, c'est la meilleure façon d'alléger ton calme, d'adoucir ton calme, de revenir à la droiture. Mais entre également dans Zikrullah, na'am, le fait de dire Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ces quatre paroles sont les paroles les plus aimées d'Allah Azza wa Jal. Ces quatre paroles sont les meilleures paroles, sont les meilleures choses sur la dunya qu'il y a sous le soleil. Comme c'est venu dans le hadith. Il n'y a pas de meilleure chose que ces quatre paroles au-dessus, yani sur lesquelles s'est levé le soleil. Ces quatre paroles sont les causes d'expiation de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'un arbre dont les branches et les feuilles étaient sèches. Il a pris un bâton et a tapé dessus. Les feuilles sont tombées. Puis il a dit inna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ces quatre paroles font tomber les péchés du serviteur comme vous venez de le voir. Ou comme a dit alayhi salat wa salam. Donc ces quatre paroles sont les meilleures paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et je vous recommande une risala qui a été écrite par Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala sur ces quatre paroles qui sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi le zikr, il y a également Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de ces deux paroles, que ce sont deux paroles légères, sur la langue, lourdes, sur la balance, aimées du tout miséricordieux. Na'am. Il nous dit également, concernant la hawla wa la quwwata illa billah, que celui qui dit cette parole, on lui plante un palmier au paradis. Donc toutes ces paroles qui plaisent à Allah Azza wa Jal font partie du dhikr. Et le dhikr peut être fait soit avec la langue et le cœur, et c'est le meilleur degré, soit avec la langue seulement, soit avec le cœur seulement. Naam, ça c'est pour ceux qui font du dhikr. Ça c'est pour ceux qui font du dhikr. Que dire alors de ceux qui sont distraits? La plupart des gens sont distraits. Naam, ils ne font rien. Je lui demande ce qu'il fait, il te dit je fais. El muslim, il ne fait pas rien. Abdullah ibn Saoud dit je déteste voir une personne inactive. Ou inactive. Naam. Ni elle est en train de préparer son au-delà, ni sa dunya. Celui qui fait rien, il fait rien. Hada madhmoum. Naam, ça c'est une chose blâmable chez les anciens. C'est une chose blâmable chez les anciens. Naam. L'étudiant ou celui qui est mustaqib n'est pas celui qui ne fait rien. Il se contente de préserver salawat. Non, il prépare son au-delà. Il fait sa dunya également. Mais il sait pourquoi il est fait de dunya. Quant à cette langue, il l'occupe par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par la lecture du Coran, par le dhikr. Entre dans le dhikr, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Le fait de recommander le bien. Et de blâmer le blâmable. Ad-da'watu ila Allah, le fait de prêcher, d'appeler les gens Allah Azza wa Jal. C'est min ahsani dhikr, parmi le meilleur dhikr. Celui qui a appris, s'est réformé, puis tente de réformer les autres. Et endure dans cela. Ça, c'est les caractéristiques de ceux qui se sont rapprochés de la perfection parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah nous dit dans le Coran. Dans Suratul Asr, naam, dans Suratul Asr, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit mathalu al-dhikri lil-qalb na'am mathalu al-samak lil-ma ou al-ma lil-samak. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit l'exemple ou al-dhikri lil-qalb mithlu al-samak ou al-ma lil-samak, l'exemple du rappel d'Allah ou de l'évocation d'Allah pour le cœur est semblable à l'exemple de l'eau pour le poisson. Si tu fais sortir le poisson dans l'eau, de l'eau, dans quel état se retrouvera-t-il? Naam. Le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Si tu fais sortir le poisson de l'eau, dans quel état est-ce qu'il se retrouve? Est-ce qu'il vit bien? Puis si tu ne le remets pas dans l'eau, qu'adviendra-t-il de lui? Il va mourir. De la même façon le cœur d'Ibn Adam, de la même façon le cœur d'Ibn Adam, s'il s'éloigne du dhikr, il tombe malade. S'il ne revient pas au dhikr, il meurt. Wallahu musta'an. Et nombreuses sont les paroles des anciens. Et parmi celles-ci, la parole de Al-Fudayl rahimahullah ta'ala ibn Iyad. Il nous dit la ajidu ladzatan wa la rahatan wa la qurrata ayn illa haythu akhlu fi bayti bi rabbi fa idha sami'tu nida qultu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudayl ibn Iyad nous dit je ne trouve pas un meilleur moment, un plus grand délice, un meilleur repos, ni la prunelle de mes yeux, si ce n'est lorsque je me retrouve seul dans l'évocation d'Allah chez moi. Puis j'entends quelqu'un qui m'appelle et c'est elle un malheur. Je dis, c'est Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. La parole que tu dis, elle est sirja' lorsqu'il a une musiba, un malheur. Karahiyatan an alqa an-nas. Parce que, yani, tellement que je n'aime pas, yani, de par l'aversion que j'ai quant à la rencontre des gens, si ça me détourne du rappel d'Allah. Naam, préfère rester seul que rencontrer des gens, si ça va le couper de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et certains parmi les anciens, Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah disaient, le fait de perdre son temps, c'est pire que de perdre la vie. Car lorsque tu perds la vie, tu te sépares de la dunya. Mais lorsque tu perds ton temps, tu te sépares d'Allah et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ne délaissait jamais les invocations du matin jusqu'à ce que le soleil soit très élevé. On lui disait, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il disait, ceci est ma force. Si je délaisse cela, mon corps devient faible. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, c'est ainsi qu'est le cœur. Si tu ne le remplis pas de l'amour d'Allah, il sera rempli par l'amour de la créature. Et c'est ainsi qu'est la langue. Si tu ne le coupes pas par le bien, elle sera occupée par le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre clairement que celui qui s'éloigne du dhikr, son cœur sera mort et lui-même mourra. Il nous dit alayhi salatu wa salam dans le hadith d'Abi Moussa radiallahu anhu, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل أو مثل الذي مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur, de celui qui ne l'évoque pas, est semblable à l'exemple du vivant et du mort. Donc dans le dhikr, il y a, dans l'évocation d'Allah, et le rappel, il y a hayatul khuloub, la vie des cœurs. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala écrit un livre que je vous recommande vivement car c'est la recommandation des savants, qui s'appelle Al-Wabil al-Sayyid. Il a même été traduit en français. Naam. C'est un livre qui a été écrit sur les mérites de l'évocation d'Allah. Il a cité environ 100 mérites. Il a cité environ 100 mérites. Naam. Il nous dit, la raib anna al-qalba yasdu. Il nous dit, il n'y a aucun doute que le cœur rouille. Tout comme c'est le cas pour al-nuhas wal-fidda wa ghayruhuma. Tout comme c'est le cas pour le cuivre, le fer et autres métaux. Et comment redonner son éclat à cela, à ce cœur qui rouille comme rouillent les métaux, avec l'évocation d'Allah. Plus loin il dit, et le cœur rouille par deux choses. La rouille du cœur a lieu par deux causes. Al-rafla wa dhamb. Le fait d'être distrait, l'insouciance, la première chose, l'insouciance, et la deuxième, c'est les péchés. Wajala uhu, et comment yani relaver le cœur après cela? Bi dhikri wal istighfar ou awit tawba. Avec le dhikr, l'évocation d'Allah, et le repentir, la demande de pardon. Voici pour ce point-là, dhikrullah. قال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء. Ces deux personnes ont dit le remède du cœur est dans cinq choses. قراءة القرآن بالتفكر. Le fait de lire le Coran avec méditation. خلاء البطن. Le fait d'avoir le ventre vide. وقيام الليل. Le fait de prier la nuit. والتضرع عند السحر. Le fait de supplier Allah au dernier moment de la nuit, et le fait de s'asseoir avec les personnes pieuses. Lecture du Coran avec méditation. Le fait de jeûner ou de peu manger. Le fait de prier la nuit, d'invoquer Allah Azza wa Jal. Au dernier moment de la nuit. Wa mujalasatu salihin. fait de s'asseoir avec les gens pieux. Ça, c'est un point très important. Mujalasatu salihin, man ashab, qui est-ce que tu fréquentes? Avec qui tu te lis d'amitié? Qui entre chez toi? Qui sort de chez toi? Chez qui est-ce que tu te rends? Qui est-ce que tu appelles? Ça, c'est muhim jidd. C'est très important. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre dans le Coran de la part d'Allah Azza wa Jal d'endurer et de fréquenter les gens pieux, les gens sincères. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil 'udwi wal madha bil ghadati wal asal yuriduna wajha. Na'am, ma hiya al aya? Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum aw rabbahum. Rabbahum, ensuite bilghadati wal'ashi yuriduna wajha, yani endure avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme le soir à la recherche de son visage. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallam, puis il a ordonné de se détourner des mauvaises paroles, des mauvaises personnes, dans d'autres versets, de la dunya et ainsi de suite. Donc les fréquentations, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de celui qui fréquente les personnes pieuses, de celui qui fréquente les mauvaises, est semblable à celui qui se rend chez un vendeur de parfums et celui qui se rend chez le forgeron. Soit le vendeur de parfums va t'en offrir, donc sans que tu fasses d'efforts, tu vas recevoir le bien. Soit tu vas, il va te parfumer. Soit tu vas sentir la bonne odeur. Naam, dans tous les cas, tu es gagnant. Dans tous les cas, tu es gagnant lorsque tu restes avec les gens de bien. Quant au forgeron, soit il va te brûler tes affaires, soit tu vas repartir avec une mauvaise odeur. Tu ne sortiras jamais indemne d'une mauvaise fréquentation. Même si tu dis, t'inquiète pas, moi, je connais, t'inquiète pas, moi, je suis un dirigeant, je ne suis pas les gens, t'inquiète pas, moi, j'ai de l'expérience, ça fait 10 ans, je suis dans la religion ou la da'wa ou. Kullu hadha, na'am, ma yanfa'uk, illa bi tawfiqin min Allah. Tout ça ne sera pas profitable, sauf si Allah t'accorde la réussite. Et si les pieux prédécesseurs se mettaient à l'abri des mauvaises fréquentations, particulièrement de celles des gens de l'innovation, نعم مع عمق علمهم وسعتهم وثباتهم وقربهم من زمن النبوة. Alors qu'ils étaient très savants, très pieux, très proches du temps de la prophétie, malgré ça, ils n'écoutaient pas, ils ne fréquentaient pas les gens de l'innovation. Ils leur faisaient le hajr, ils s'éloignaient d'eux, ils ne leur passaient pas le salam, ne leur répondaient pas au salam, ils ne mangeaient pas avec eux, ils ne prenaient pas le même chemin qu'eux. نعم. Comme on le trouve dans les livres de Sunna. Mais c'est devenu une chose étrange. C'est devenu une chose étrange. Pourquoi? Parce que ceux qui appellent à la Sunna sont devenus peu. Naam. Et ceux qui s'entraident dans la bid'a et dans le mal et dans la dénaturation du din sahih se sont multipliés. Naam. Ils se sont multipliés. Et comme a dit le prophète sallam, bada al-islam ghariba wa sa'udu ghariban fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé de manière étrange et il redeviendra étrange. Bonne nouvelle alors aux étrangers. Qui sont-ils aux messagers d'Allah? Une minorité qui réforme alors que la majorité détruit. Donc, tu dois purifier tes assises. Tu dois te questionner vers qui ton cœur penche, qui est-ce que tu fréquentes? Car l'homme fréquente celui qui a son image et il se dirige vers ceux qui sont à son image. Naam. Même dans le bien, même dans le bien, tu verras que ton cœur penche vers les assises de science, naam, différemment d'un prêcheur à un autre, d'un savant à un autre. Pourquoi? De par sa façon de parler, de par son comportement, de par sa nature. Si ça c'est le cas dans le bien, que dire dans le mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre même que les animaux qui n'ont pas de uqul, ils n'ont pas d'aql les animaux, ben, l'animal affecte son maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la dureté, elle est présente chez les propriétaires de chameaux. Naam. Et la douceur chez les bergers. La douceur chez les bergers. Parce que les ibils sont durs. Il faut les maîtriser, il faut de la dureté, ainsi de suite. Alors que les moutons, et ainsi de suite, yani, ils ont de la douceur, ils sont facilement. Yani, tu peux les diriger facilement. Les savants ont dit, si c'est le cas pour les animaux, que l'animal affecte son propriétaire, que dire des hommes entre eux alors qu'ils ont la raison? Et lui dit, t'inquiète pas, il fréquente les gens de la bid'a, et tu entends, il y a quelques semaines après, qu'il se retrouve en Syrie ou je ne sais où, ma'ahle al-bid'a. Et il se prend pour un mujahid fi sabilillah, alors qu'il n'arrive pas à prier à la mosquée. Na'am. Il dit, il va faire le djihad dans un autre pays, alors qu'il n'arrive pas à respecter sa mère. Et il se prend pour un mujahid fi sabilillah. Na'am. Certains d'entre eux voyagent avec des femmes sans mahram. Certains d'entre eux voyagent avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses et ils disent, ils vont faire le djihad. Ajib hal. Il n'arrive pas à salli fil masjid. Il n'arrive pas à préserver sa salat au masjid. Il n'arrive pas à mettre un khamis, à laisser sa barbe. Et il se prend pour un mujahid fi sabilillah parce qu'il est resté une semaine, un mois où il a regardé des vidéos. Na'am. Où il a écouté des anachites pendant un mois ou deux mois. Ensuite, il va prendre un billet d'avion en volant de l'argent à ses parents. Et il pense que c'est un mujahid fi sabilillah. Anta mujahid fi sabili shaytan. Si tu fais un effort dans un sentier, c'est dans la santé du shaytan. Anta aqun li walidayk. Tu désobéis à tes parents. Anta aasin lillahi wa li rasuli. Tu désobéis à Allah Azza wa Jalla et son messager avant ça. Tu sèmes le désordre sur la terre. Tu sèmes le désordre après qu'Allah Azza wa Jalla l'ait réformé. Et chacun de ces points entre dans les péchés qui sont très graves. Pourquoi cela? Quelle est la cause de, quel est le point commun entre tout ça? Du la ça est sous les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Les parents se fatiguent pendant 15 ans. Non, pour éduquer l'enfant, pour réformer l'enfant. L'enfant est sur la droiture. Ce même enfant reste un mois avec des mauvaises fréquentations et il s'égare. Car certes, de construire, c'est difficile et c'est long. Mais de détruire, il n'y a pas plus facile. De détruire, il n'y a pas plus facile. Pour mémoriser le Coran, c'est facile ou c'est difficile? C'est difficile, il faut du sabr. Na'am, pour mémoriser l'ahadith, pour étudier, pour assister aux assises de science, pour partir faire talbim, c'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Mais pour s'asseoir et parler sur ceux qui font ça, c'est dur ou c'est difficile? À lui, il récite mal, à lui, kada, lui, moyen, lui, kada, lui, kada. Mais toi, t'es où? Lui, il est moyen, toi, t'es où? Lui, il est bon, mais toi, t'es où? Lui, il est mauvais, et toi, t'es bon? Et allez, pose-toi la question. Na'am. Si seulement tu faisais ça sur Ahlul Bid'ah, en répétant ce que disent les ulama de Ahlul Sunnah, parce que tu es un ammi, na'am. Tu es un ammi, donc tu suis les ulama, tu questionnes les ulama d'Ahlul Sunnah, et tu transmets ce qu'ils ont dit les ulama d'Ahlul Sunnah. C'est ça ton rôle. Na'am. Mais tu es sorti du chemin de nos ulama et tu as lancé tes flèches sur Ahlul Sunnah. Cela n'est pas le chemin de nos ulama. Cela n'est pas le chemin de nos ulama. Nos ulama, ils défendent l'honneur de Ahlul Sunnah. Et ils interdisent de parler sur les ulama de Ahlul Sunnah, sur les prêcheurs de Ahlul Sunnah. Et je ne parle pas de la réfutation légiférée ou de la critique légiférée. Non. Ou certains même ont dit la médisance légiférée. Qui vise à préserver la charia, pas à vider ton cœur parce que tu t'es disputé avec lui, pas à vider ton cœur parce qu'il t'a fait une chose de dunya. Alors tu essayes de passer par la critique légiférée, mais en vrai ton cœur te trompe, et shaitan te trompe, comme l'ont expliqué les ulama. Il a une maladie dans le cœur, il essaye de faire passer ça pour une chose légiférée. La ya usduq ma'a nafsik, na'am, sois véridique envers toi-même, reviens aux ulama. Et dis ce qu'ils disent. Et arrête-toi, ils se sont arrêtés. Et arrête-toi où ils se sont arrêtés. Donc les mauvaises fréquentations, et parmi les pires de ces fréquentations, le fait de fréquenter Ahlul Bid'ah. Na'am, le fait de fréquenter Ahlul Bid'ah. Ou ceux qui ont un penchant vers Ahlul Bid'ah. Ou ceux qui ont un penchant vers les gens de l'innovation. Na'am. Et même si les gens ne sont pas carrément tombés dans la Bid'ah, mais qu'ils ont un penchant vers les gens de l'innovation et qu'ils ont une maladie au cœur, ces gens-là, il faut qu'ils soient conseillés. Na'am, on patiente sur eux. Mais le débutant, lui, il s'éloigne. Il ne met pas son dîne en danger. Il ne met pas son dîne en danger. Na'am. Et chez les vieux prédécesseurs, celui qui n'aimait pas entendre la critique sur les gens de l'innovation était accusé. Était suspecté. Na'am. Était accusé, était suspecté. C'est-à-dire lorsque les gens de l'innovation étaient critiqués, celui qui n'aimait pas cela, et ça se voit soit dans le comportement, soit il le dit, il était accusé et suspecté chez les ulama et chez les gens pieux. Naam. Et même les awam, les gens de la masse, si une innovation se propage dans un endroit, naam, ou s'ils peuvent être tentés, les ulama disent qu'il faut leur exposer à leur niveau cette innovation. Comme l'a expliqué dans une parole, Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala. Car les gens de l'innovation aiment utiliser les gens de la masse qui aiment le bien et les utiliser contre les gens de la sunna. Naam, ils les utilisent contre les gens de la sunna. Mais alhamdoulillah, la sunna se propage et le tawhid se propage. Donc même nos parents, wallahalhamd, même les personnes âgées et ceux qui étaient loin de la lecture et de l'écriture deviennent clairvoyants sur les bases de la religion, alhamdulillahi rabbil alamin. Et parmi les assises que je vous déconseille, vu que la question elle s'est répétée plusieurs fois, les assises du frère Hatim Abu Abdillah, qui fait la khutbah à Stan. Naam. On n'appelle pas à s'asseoir avec lui, ni à prendre des cours avec lui, que ce soit des cours de fiqh ou autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cet homme t'appelle à la dureté du cœur. Il t'appelle à sauter des générations du ulama. Il appelle à se détacher des ulama contemporains. Naam. Et il dit qu'il faut prendre directement des anciens. D'accord, toi qui ne sais pas bien lire l'arabe, qui n'a pas étudié le nahw, qui n'a pas étudié le sarf, qui peine à lire le Coran, explique-moi comment est-ce que tu vas prendre directement des anciens. La deuxième chose, si on ne doit pas prendre des ulama contemporains, toi t'es pas un alim, à plus forte raison on s'éloigne de toi. Alayhi sa kadhalik, n'est-ce pas? Si on doit s'éloigner des ulama contemporains et prendre directement des anciens, toi, t'es le premier de qui nous devons nous éloigner, car tu n'es pas un alim. Car tu n'es pas un alim. Comment est-ce que tu peux dire à tes élèves qu'il faut prendre directement des anciens? Toi, t'es pas un ancien, t'es plus petit que nous. T'es plus petit que les ulama également. Et que nos enseignants. Et tu dis aux gens qu'il ne faut pas prendre des ulama contemporains, mais il faut prendre directement des anciens. Tu es donc le premier duquel nous devons nous éloigner. C'est pour cela que selon les dires de Hatim, je vous appelle à vous éloigner d'eux. Et pour prendre des ulama anciens, il faut prendre des ulama contemporains. Car cette religion, elle s'est héritée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Nahnu ma'ashir al-anbiya, la nur ma taraknahu sadaqa » Nous, les prophètes, on n'hérite pas de nous ce que nous laissons. Et une sadaqa, une aumône. Dans un autre hadith, inna al-anbiya warathatul ulama. Afwan, inna al-ulama warathatul anbiya. Wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa inna ma warathul ilm. Nous les prophètes, ou plutôt les savants, sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont légué ni pièces d'or ni pièces d'argent, mais ils ont légué la science. Men akhadha bi hadhin wafir. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande part. Donc les ulama, les sahaba ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tabi'un ont pris des ulama. Abdullah ibn Saoud disait, celui qui veut mémoriser le Coran, qu'il vienne. Abdullah ibn Abbas avait des assises de science, on prenait l'ilm de lui, comme Atta ibn Abi Rabi'. Ensuite, les tabi'oun ont donné la science à leurs suiveurs, et ainsi de suite jusqu'à notre époque. Donc tu veux la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller t'asseoir devant les genoux des ulama contemporains, qui eux se sont assis devant leurs ulama, et ainsi de suite jusqu'à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui es-tu toi pour dire aux gens de ne pas s'asseoir devant les ulama, mais de venir s'asseoir devant toi, ya miskin? Naam. Ensuite, celui qui fréquente ces personnes-là aura la dureté du cœur. Pourquoi? Car il ne respecte pas les ulama. Celui qui ne respecte pas les ulama, Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il sera éprouvé par la mort du cœur. Et celui qui parle sur les ulama doit savoir que la chair des ulama est empoisonnée. Quand tu fais de la riba, tu manges la chair de ton frère. Et la chair des ulama est empoisonnée. Si tu la manges, tu vas mourir. Ton cœur va mourir. Donc éloigne-toi de ces acides. Wa hadha ba'd. Et ceci est qu'une petite partie. Durus at-tawhid. Ahsan ma tulayyin al-qulub. Les cours de tawhid sont les meilleures choses qui amènent la douceur du cœur. Wa hadha ar-rajul alladhi lam yatafaqqah kama yanbaghi fi 'ilm at-tawhid yuzahhidu an-nas fi hadha al-fan la siyama ma ta'allaq bi at-tahdhir min al-qubur aw bi يعني أسباب الشرك نعم cet homme vous amène à la dureté du cœur. Pourquoi? La meilleure chose qui adoucit le cœur, c'est le Coran. Et dans le Coran, le plus grand sujet traité, c'est le tawhid. Cet homme dit que de parler sur les tombes, c'est-à-dire le fait d'exagérer sur les tombes et le shirk des qubur et ainsi de suite, c'est une chose secondaire. Naam. Car nous ne sommes pas éprouvés ici par cette chose-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadhara min hadha al-amr. Naam. في أحسن القرون وهو يخاطب أحسن الناس وقد رضي الله عنهم نعم ومعهم أهل بدر le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'adoration des tombeaux et des saints à une époque où il y avait les meilleurs des hommes, où il y avait sahaba, où il y avait les plus savants, où il y avait Ahl Badr, alors qu'Allah azza wa jalla les a protégés. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développe le tawhid, il développe le shirk. Il appelle au tawhid, il met en garde contre le shirk. Et lui, il nous dit que nous, masakin que nous sommes, nous n'avons pas besoin de ce sujet. Irji, wanzur fi baladik. Reviens et retourne dans ton pays. Et regarde ce qu'il s'y passe comme shirk. Wa anta sakin fi Firenze, et toi, tu habites en France. Rentre dans un cimetière et tu verras le shirk. Naam. Et parle avec beaucoup de personnes et tu verras qu'ils ne font pas la différence entre tawhid et shirk. Lui, tu appelles les gens à se détourner de la science du tawhid. Hadi khiyana. Ça, c'est une traîtrise envers la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'amana. C'est pas préserver le dépôt. C'est pas préserver le dépôt. Naam. Wallahu musta'an. هكذا اسمعها ولا هكذا نعم ceux qui suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont bien ou ils sont pas bien ceux qui suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont comment ils sont pas bien Sainte. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wal aslu fi idhalati qaswati al-qalb bi dhikr. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit la base. L'asl, quand c'est utilisé dans la langue des ulama, il y a plusieurs sens. Naam. Parmi ces sens, ad-dalil. Mafoum, al-asl, lorsque vous entendez ce mot dans un cours, dans la langue des ulama, al-asl fi hadha kada wa kada, il y a plusieurs sens. Selon le contexte, na'am, tu sauras quel est le sens. Dans ce contexte, c'est quoi? C'est ad-dalil, la preuve. Na'am, la preuve, la chose à laquelle nous revenons. Al-murshid il al-maqloub. Donc il nous cite des textes. قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وفي حديث عبد العزيز ابن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. Donc l'auteur nous cite pour nous montrer que la base dans la dissipation et la dureté des cœurs, c'est le dhikr. Il nous cite le verset 28 de Surat al-Ra'd, le tonnerre, le verset 23 de Surat al-Zumar, les groupes, et le verset 16 de Surat al-Hadid, le fer. Donc ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc al-dhikr amène l'apaisement du cœur et sa tranquillité. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous informe dans Surat al-Zumar qu'il a révélé le meilleur récit, na'am, un livre, Mutashabiham Mathani, na'am, dont les choses se répètent et se ressemblent. Na'am, Tuthanna, c'est-à-dire ça se répète. Ça se répète. Tu trouves l'histoire de Moussa alayhi salam par exemple dans le Coran. C'était d'une façon, puis d'une autre façon, puis d'une autre façon, dans telle sourate, dans telle sourate, dans telle sourate, dans Ya'ani, dans le Baqara, dans Surat Taha, dans Surat al-Qasas et autres. Wadah. Puis il nous informe que la peau de ceux qui craignent leur Seigneur en l'entendant frémit, puis leur cœur s'apaise, leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Donc le rappel d'Allah amène cela, la douceur du cœur. Et dans le verset qu'on a déjà cité plusieurs fois de Surat al-Hadid, on ne s'en lasse pas. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont eu la foi que leur cœur s'apaise ou bien s'humilie à l'évocation d'Allah? Puis l'auteur nous cite un hadith qu'il a qualifié de mursal. Et mursal est min qismi dha'if. Ses cœurs, le prophète sallam a dit, ses cœurs rouille, tout comme rouille le fer. Il lui fut donc dit, et comment lui faire ou leur faire retrouver leur éclat, c'est-à-dire au cœur, comment nettoyer ce cœur afin qu'il retrouve son éclat? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, avec la lecture du livre d'Allah et le fait de beaucoup l'évoquer. Et le fait de beaucoup l'évoquer. Qu'il devient dur, il rouille. Non. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: ma udhibat al-qulub bi ahsan min dhikri. Les cœurs ne sont pas adoucis, c'est-à-dire le cœur est dur, on le fait fondre. Et il n'y a pas un meilleur moyen pour faire cela que le rappel d'Allah, que l'évocation d'Allah. حديث الضعيف الإمام الألباني رحمه الله تعالى سلطي في سلسلة الضعيفة الأديك التي منكر. Le point suivant qui amène la douceur du cœur, ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. Parmi ces causes, la bienfaisance envers les orphelins et les besogneux, les pauvres. La bienfaisance envers les orphelins et les pauvres. L'orphelin est celui qui a ou celle qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Celui ou celle qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Parce que c'est le père qui travaille, qui ramène la subsistance et qui protège l'enfant et ainsi de suite. On l'appelle yatim, pluriel yatam. Al-masakin, lorsque ce mot est cité seul, ça englobe al-fuqara, les pauvres et les besogneux. Na'am, ceux qui sont pauvres et ceux qui sont très pauvres, si vous voulez. Ceux qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins, na'am, du tout, ou bien pas même, ou bien ni même la moitié de ce qu'il leur faudrait. Et ceux qui ont, mais ils ont du mal à joindre les deux bouts. Na'am, Les premiers sont les fukara et les deuxièmes sont les masakin. Al-faqir, quand c'est cité avec al-miskin, al-faqir c'est celui qui ne possède rien ou très peu. Al-miskin c'est celui qui est dans la difficulté. Il est pauvre, il est dans la difficulté. Il a un peu, mais il a du mal à finir les mois ou bien plus que ça. Donc la bienfaisance envers ces gens-là. Et ici on nous cite les orphelins et les pauvres. Ceci n'est pas une liste exhaustive, mais ils font partie de ceux qui méritent une grande pitié, une grande miséricorde et une attention toute particulière. Car Al-Yatim, l'orphelin, il n'a pas reçu la protection suffisante dans le foyer, il n'a pas eu les mêmes moments que toi avec ton père, il n'a pas reçu autant de cadeaux que toi, il n'a pas pu avoir ce qu'il souhaitait comme tu as pu toi l'avoir car le père travaillait et ainsi de suite. Lui, il a manqué de ces choses-là car sa mère s'est retrouvée dans la difficulté à élever, à éduquer ses enfants. Elle avait le souci de se préserver elle et de s'éduquer. Aussi le souci de préserver ses enfants, de leur donner à manger via à leur éducation et à ce qu'ils ne fréquentent pas de mauvaises personnes. C'est une lourde épreuve. C'est une lourde épreuve. Donc les loisirs prennent une place minime lorsque tu dois te soucier de lui donner à manger. Naam. Quel temps tu vas trouver pour jouer ? Donc cet enfant-là a besoin d'une attention particulière. C'est pour cela que l'islam lui a garanti des droits. Naam. Et de nombreux textes sont venus, Maza, pour nous encourager à être bienfaisants envers les orphelins. Pareillement pour les pauvres, ils sont dans la difficulté, ils sont dans la gêne. Naam. Et une petite action de ta part, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, peut causer beaucoup de bonheur et de joie dans son cœur. Ce sont des gens qui sont dans la difficulté, dans la faiblesse. Ben, la douceur du cœur s'acquiert comment? En aidant les gens qui sont dans la difficulté. Et particulièrement ceux qui ont été cités dans les textes comme les pauvres et les orphelins. Celui qui fréquente les pauvres, les orphelins, qui se mélange à eux, qui les aide, il ressentira cela de lui-même. C'est que son cœur va fondre. Son cœur va être adouci. S'il y avait de l'orgueil, ça va disparaître. Il va avoir honte de ses plaintes devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il va voir que lui, lorsqu'il mange un plat, il se plaint, mais il trouve autrui qui n'a pas ce plat-là. Il va avoir honte, son cœur va s'humilier, se fragmenter. Et lorsqu'il va voir, yani, la dureté qu'il pensait voir de son père et qu'il va voir que lui n'a plus son père, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné un père qui l'éduque, même avec ses vérités. Naam, s'il avait de l'orgueil, s'il se sentait au-dessus des gens, s'il avait l'habitude de marcher la tête élevée devant les autres et de relever les épaules, à ce moment-là, il va se sentir mal. Parce qu'il va voir qu'il y a des serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui peinent à manger, qui peinent à se vêtir, qui n'ont pas de loisirs. Comme toi, peut-être tu partais en vacances tous les ans, tous les deux ans. Peut-être que tu avais tous les jouets que tu souhaitais. Et tu boudais lorsqu'on ne t'achetait pas ce que tu voulais. Mais cet enfant-là, lui, n'a pas goûté à ses plaisirs. Il ne part pas en vacances. Il ne connaît pas les vacances. Naam, peut-être que durant les vacances, il aidait sa mère dans un travail, dans une activité. Il ne pouvait pas partir en vacances. Qu'est-ce qui allait payer les charges? Donc de rester avec les faibles, ça adoucit ton cœur, ça développe une pitié dans ton cœur et ça te rend meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man la yarham, la yurham » et il nous dit « Irham, irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama » Celui qui n'a pas de pitié envers les gens, il ne lui sera pas accordé la pitié. Non. Il nous dit également « Ayez pitié de ceux qui sont sur la terre, celui qui est aux cieux vous fera » Yani aura pitié de vous, c'est-à-dire celui qui est dans l'élévation bien élevé au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ana wa kafilul yatim kahatayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit moi et celui qui prend soin de l'orphelin, nous serons comme ces deux doigts. Abu Huraira a montré entre ces deux doigts-là lorsqu'il a rapporté le hadith. Na'am, as-sabbab al-wusta. Il a montré l'index, c'est le majeur. C'est-à-dire, on se rapproche, il sera élevé dans les degrés du paradis. Celui qui fréquente les pauvres et les orphelins, il sera humble. Naam, il détestera l'orgueil et s'élever, même s'il est riche et dans l'aisance. Donc ça c'est le hadith Sahl ibn Sa'd, il rapporte par le même Bukhari, il a une autre version dans lequel l'imam muslim qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhum. Aussi, dans les textes, on nous enseigne que celui qui aide les serviteurs d'Allah, Allah l'aidera. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Allah aide le serviteur tant que ce dernier aide son frère. Donc toi, tu aides des gens dans la difficulté. Donc attends-toi à recevoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne conditionne pas pour entrer dans kafalatul yatim de lui donner tout ce qu'il lui faut et de dépenser tout son argent pour qu'il mange à satiété chaque jour, chaque mois, ou de lui fournir tout ce qu'il lui faut dans l'année. Non, même si tu fais peu, selon tes capacités, tu entres dans le hadith. Naam. Et au jour d'aujourd'hui, pour aider un orphelin, c'est à la portée de la plupart des pauvres parmi nous, qui sommes considérés comme étant pauvres parmi nous. Naam. Dans certains pays, avec 1 euro, certaines personnes peuvent prendre un repas parmi les adultes. Que dire d'un enfant ? Naam. Dans un des pays où Allah Azza wa Jalla nous a facilité à aller pour étudier, avec 250 riyals, on mangeait à deux. Ça représentait 1 euro. Naam. Ça représentait 1 euro. Tu avais un plat, par exemple, de riz et un morceau de poulet. Tu pouvais manger à deux. Ça, c'est 1 euro. Qui d'entre nous, naam, sauf une minorité, n'a pas la capacité de donner 1 euro par jour? Et peut-être que c'est 1 euro, tu vas, yani, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les gaspiller. Alors que tu pouvais entrer dans ce hadith. Qui a pensé à chercher qui sont les orphelins parmi les enfants de nos mères ici, dans le masjid? Est-ce qu'il y a des orphelins? Est-ce que vous connaissez des orphelins? Celui qui les connaît, lève la main. Qui sait s'il y a des orphelins dans ce masjid? Non. Qui s'est déjà posé la question? Vous voyez notre insouciance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on fait cette chose, on sera comme ça avec lui, fil jannah. Et nous, on ne réfléchit pas comment être avec lui. Toi, tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici une porte qui était ouverte. Non. Qui pense à chercher qui sont les enfants? Qui, lorsqu'il entend qu'il y a un orphelin, il cherche à se rendre vers lui, à être bienfaisant envers lui, à dépenser pour lui, à l'aider? Non. Et ça n'est pas qu'avec l'argent. Un sourire, une bonne parole, tu plaisantes avec lui, tu lui donnes du temps, tu lui apprends à lire, tu lui apprends à écrire l'arabe ou bien le français. Non. Tu l'aides dans son développement, dans son éducation. Tu l'emmènes pour faire un loisir. Naam. Peut-être même que tu lui fais une blague. Par cela, Allah Azza wa Jal te fait rentrer au paradis. Tu plaisantes avec lui. Tu rentres la joie dans son calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le petit frère de Anas ibn Malik, Abu Umayy. Il lui a donné cette kunya. Qui avait perdu son petit oiseau. Ben, il lui a donné du temps et il lui a changé les idées. Un petit oiseau. Que dire alors de celui qui a perdu son père? Dans quel état est-ce qu'il va être? Naam. Dans quel état est-ce qu'il va être? Donc ça, c'est une porte de bien, une grande porte de bien. Et wallahi que c'est facile pour celui à qui Allah Azza wa Jalla aura facilité cette action. Naam. Tu t'entraides avec des gens de confiance pour faire parvenir un bien à des orphelins. Ça peut être un cahier, ça peut être des stylos, ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements. Naam, ça peut être prendre de ses nouvelles régulièrement. Chacun selon ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura facilité. Wa inni fi maqami hadha ashkuru shukran jazilan al-madha al-muslimin wal-mu'minin wal-muhsinin wal-muslimat wal-mu'minat alladhina ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa bil-infaq ala yatama shaykhina Fahd ibn Sulayman ماذا أو سليمان العدني ماذا رحمه الله تعالى. Et j'en profite pour remercier grandement invoquer Allah Azza wa Jal en faveur des musulmans croyants et bienfaisants qui se sont entraînés dans un grand bien, qui est le fait de dépenser pour les orphelins, les six enfants de notre cher Fahd Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Et Inch'Allah, chaque mois, on accueillera les dons de ceux qui veulent continuer à participer. Walhamdulillah. Et c'est lui qui fait du bien à des orphelins, qu'il sache qu'il se fait du bien à lui-même. Et nous, on a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. C'est que celui qui n'a pas ses parents, Allah Azza wa Jal yakfi, Allah Azza wa Jal lui suffit. Et parmi les grands savants de l'islam, beaucoup étaient orphelins. Et le meilleur de la communauté, le meilleur des hommes, l'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A'la darajatil yutm. Il a atteint le plus haut degré dans le fait d'être orphelin. Orphelin de père et de mère, puis de grand-père. Lui donc, et ainsi de suite. Na'am. L'imam Malik a été éduqué par sa mère. Abu Hanifa a été éduqué par sa mère. L'imam Ahmed a été éduqué par sa mère. Tous ces gens-là n'avaient pas. Et beaucoup d'autres encore. Et beaucoup d'autres encore. Voici pour la douceur du cœur par le fait de faire du bien aux orphelins. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Warawa ibn Abi Dunya haddathana Ali ibn al-Ja'd » حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجواني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين إسناده جيد وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة ورواه جعفر بن مسافر حدثنا مؤمل حدثنا قال حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كأنه غير محفوظ عن حماد ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجواني مرسلا وهو أشبه أي المرسل أشبه وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة لتو رحمه الله تعالى نسيت حديث أبو هريرة un homme est venu se plaindre auprès du prophète صلى الله عليه وسلم de la dureté de son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit: si tu veux, si tu aimerais que ton cœur s'adoucisse, caresse la tête de l'orphelin et nourris les pauvres. Allez, fais cela. Naam, fais cela. C'est une marque d'affection, de douceur, de pitié. Naam. Et nourris, et dépense pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Dépense pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est hassan, bi majmu'i turuqi. C'est ce qu'on pourrait comprendre de ce qu'a fait ici Ibn Rajab, en citant plusieurs riwayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les pauvres, nous dit « As-sa'i ila al-armala » Al-armala, Al-Armala, c'est la veuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith d'Abi Hurayra, dans Sahih Bukhari Muslim, As-sa'i ala al-miskin wa al-armala kal-mujahidi fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prend soin du pauvre, il s'occupe du pauvre, il cherche, quand il est dans le besoin, il dépense pour lui. Et pareillement pour la veuve, na'am, et comme celui qui combat dans le sentier d'Allah. Abu Huraira nous dit ensuite, wa ahsibuhu qal kal qa'im alladhi la yuftir aw yaftur kal qa'im alladhi la yaftur wa sa'im alladhi la yuftir. Abu Huraira a dit, et je pense même qu'il a dit, il est semblable, ceux qui dépensent pour les pauvres et les veuves, il est semblable à celui qui prie, il est debout sans jamais faiblir, sans arrêter. Naam, continuellement. Et celui qui jeûne sans rompre le jeûne. Yani continuellement. Voici yani la place qu'il a. Donc lorsque tu entends le décès d'un homme et tu sais qu'il était marié, entraide-toi pour yani avec tes entrer des voix avec les frères, entre frères ou bien les sœurs entre sœurs ou arakada ou les gens d'une même famille pour subvenir aux besoins de cette personne, afin qu'on n'ajoute pas le problème financier à son problème yani de décès. وروى ابو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان ارحم اليتيم وأذنه منك وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له نعم قال أذن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك أو يلين قلبك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. قال أبو نعيم ورواه ابن جابر والمتعم ابن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. نعم. Donc il a cité plusieurs chaînes de transmission. Fait de nourrir l'orphelin, de le rapprocher de soi, caresser sa tête. Tout cela amène la douceur du cœur. Wa taqdiru ala hajatik, et ainsi tu auras la capacité d'assouvir tes besoins, de réussir tes affaires. C'est-à-dire que si tu aides l'orphelin, Allah Azza wa Jal t'aidera. Comme dans le hadith, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Quand tu aides les pauvres, quand tu aides les faibles de manière générale, quand tu aides tes frères de manière générale, Allah Azza wa Jal t'aide. Allah Azza wa Jal t'aide. Quand tu donnes du temps pour les gens, Allah Azza wa Jal t'aidera même dans ton temps. Tu vas faire autant de choses que si tu avais pris tout le temps. Car Allah va mettre la baraka dans ton temps. Car Allah va mettre la baraka dans ton temps. C'est pour cela que les savants se mettent en colère sur ceux qui avaient une science et refusaient de la donner. Sur ceux qui avaient une science et refusaient de la donner. Il faut le juste milieu. Certaines personnes n'ont pas pris une science, ils veulent la donner. Ça, c'est pas possible. On lui dit avec respect qu'il continue à étudier, qu'il fasse des efforts et ainsi de suite, et il transmettra. Naam, il doit accepter ce conseil. Et il y a ceux de l'autre côté qui ont appris une science. Naam, par exemple, il a appris le tajwid, ou bien il a appris à lire le Coran, ou bien il a appris les lettres, ou bien il ne veut pas transmettre cela. Les savants se mettaient en colère sur ces personnes. Ils avaient une science, ils maîtrisaient cette science, ils étaient capables de la donner. Et pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas donner la science? Parce qu'ils aimaient beaucoup la science, ils voulaient continuer. Ils ne voulaient pas être occupés. Ils ne voulaient pas être occupés par la transmission de la science, ils voulaient boire et boire et boire encore. Un exemple, Cheikh Mukbir rahimahullah ta'ala a dit un de ses élèves, et la tariqa de Cheikh Mukbir rahimahullah ta'ala dans son marquez, c'était quoi? Il forme les élèves forment d'autres élèves et ainsi de suite. Les anciens forment les nouveaux et ainsi de suite. Il a appris à lire à un tel, Abdullah. Abdullah va apprendre à lire à Mohammed et Mohammed apprendra plus tard. Comme ça, le shir décharge de son temps dans autre chose. Et cet élève, ce grand talib, aussi, et aussi, et aussi, wahakala. Et il y a un grand ta'aoun, et ça a fait naître des tullab ilm, mais des gens de science. Naam, beaucoup de gens ont mémorisé le Coran, beaucoup ont mémorisé Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riya Salihin, et ainsi de suite. Donc, il y a du ilm dans le mustalah, et dans le qawaid al-fiqhiyya, d'autres dans, et dans, et dans, et dans, dans le tawhid, dans l'aqida, ainsi de suite. Un jour, il a dit à un homme, Ya Fulan, Jazakallahu khayran, enseigne à tes frères tel livre, ouvre tel cours. Il a dit, Ya Sheikh, ana mashghoulun bil bahth, indi bahth. Il lui a dit, Ya Sheikh, je suis occupé, j'ai un travail à faire, je suis en train de faire des analyses, j'étudie en ce moment. Le Sheikh, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, La barakallahu fi bahthik wa la fi waqtik. Il lui a dit qu'Allah ne t'accorde pas la bénédiction, ni dans ton temps, ni dans ton bahth, ni dans tes études. Vous avez compris? Il a fait dua contre lui. Il a fait dua contre lui pour le rappeler à la droiture. Le temps que tu donnes à tes frères, ce n'est pas une perte dans ton berth, au contraire. C'est comme ça qu'il éduquait ses élèves. C'est comme ça qu'il éduquait ses élèves. Na'am, rahimahullahu ta'ala. Et il disait souvent, il y a un tel, qu'Allah te fasse miséricorde, ouvre tel cours pour tes frères. Ouvre tel cours pour tes frères. Na'am, wa akam. Et une fois, il est passé près du cours d'un talbi'in, l'un de ses élèves. Na'am, cet élève faisait un cours de mustalah, la science de la terminologie du hadith. Et le shir montait jamais à la maktaba en haut, yani à la maktaba à certaines heures. Et lui, cette personne-là faisait un cours pour les frères. C'est alors que le shir est monté, contrairement à son habitude. Et il était derrière le talib. Na'am, tout le monde est resté comme ça. Donc l'enseignant, donc talib, il s'est tourné, il a vu le shir. Il est resté... Yani choqué. Il est resté, il a profité du dars. Ensuite, il s'est levé, il a dit, si j'avais le temps, je serais resté encore. Et il disait à certains enseignants, dans certaines assises, si j'avais le temps, je me serais assis dans l'ajurumiyya. Shir, c'est un alim dans le nahu. C'est un savant dans la grammaire. Pourtant, il disait, si j'avais du temps, je resterais avec vous dans les durus de nahu. Na'am. Certaines personnes partent faire talib, un an ou deux ans, elles reviennent. Ouais, takabbaru. Et ils s'enorgueillissent et ils pensent qu'ils ne peuvent plus s'asseoir avec les faibles prêcheurs de France. Na'am. Si tu dis qu'ils sont faibles, je te rejoins pour beaucoup d'entre eux. Na'am. Mais que tu t'enorgueillisses au-dessus d'eux et tu penses que tu ne peux plus t'asseoir, sache que des ulamas se sont déjà assis dans les assises de leurs propres élèves. Na'am. De leurs propres élèves. Donc ça, c'est une fitna, il faut faire attention. Lorsqu'on entend un cours d'un des frères de Ahl Sunnah, même si tu es un prêcheur, va au cours. Ne fais pas comme ceux qui, lorsqu'il y a un séminaire ou un cours, ils viennent, ils font leur cours, mais ils ne se voient au-dessus de s'asseoir dans le cours de un tel. Na'am. Et il y a des cours le samedi de notre frère Saad. Wallahi, si j'avais le temps, je viendrais à son cours pour tirer profit de son cours. Na'am. Que ce soit le cours de Sira qu'il faisait, na'am, ou le cours de Ma'da du livre de sous le Sunnah. Na'am, mais le temps me manque. Mais le temps me manque. Et lorsque j'ai le temps et la force, j'assiste à son cours. Jazakallahu khayran pour le temps qu'il nous donne. Et na'am au masjid. Jazakallahu khayran. Naqala Abu Talib anna rajulan sala Aba Abdillah. يعني أحمد بن حنبل قال له كيف يرق قلبي قال أدخل أو أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم أنا من parti voir l'imam Ahmed رحمه الله تعالى il lui a dit que faire pour que mon cœur s'adoucisse il lui a dit entre au cimetière نعم il lui a dit entre au cimetière et caresse la tête de l'orfèvre. Donc c'était connu chez les pieux prédécesseurs que de faire du bien à l'orphelin était une cause pour avoir la douceur du cœur. Quant au fait d'entrer au cimetière, c'est un point qu'on développera prochainement, inshallah ta'ala. Voilà pour aujourd'hui. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. As'alullaha bi asma'il husna wa sifatil ula ayyamunna alayna bi qulubin salima. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك أنت الغفور الغفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Juste un point que j'ajoute quant à la bienfaisance envers les faibles, les pauvres et les orphelins. C'est que le fait de dépenser son argent, ça allège le cœur. Et plus le cœur est allégé, plus il s'adoucit. Celui qui est proche de son argent, il trouvera la dureté du cœur. La dunya, c'est une cause d'insouciance. Et l'insouciance, c'est la base de la dureté du cœur avec les péchés. En dépensant de son argent, il allège le contenu de son cœur, donc il est plus prompt à recevoir l'exhortation, le rappel à être affecté. Alhamdulillah.